Tu m'as guéri de la puissance de ton sang. Et je te louerai pour toujours. Et je te louerai car tu es celui qui me guérit. Oh. Seigneur, mon Dieu, j'ai crié à toi. Seigneur, mon Dieu, j'ai crié à toi. Et tu de la puissance de ton sang. Et je te louerai toujours. Et je te louerai car tu es celui qui me guérit. Et je te louerai pour toujours. Et je te louerai car tu es celui qui me guérit. Et je te louerai pour toujours. Et je te louerai car tu es celui qui me guérit. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Alléluia. Please close your eyes. Fermez les yeux. Father, I want to bless you. Thank you for your goodness and mercy. Father, I want to give you all the glory. You deserve it tonight. We invite you. Come here and lead us. Come here and speak to our heart, Lord. Come and change us, Lord. In the name of Jesus. Amen. Hallelujah. Please be seated. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Who's here for the first time? It's your first time coming here. Qui est ici pour la première fois? Oh, okay. Hallelujah. Let's clap for him. Applaudissons pour lui. Hallelujah. You're welcome. Tu es le bienvenu. I'm sure by the end you'll be blessed. Je suis sûr que d'ici la fin, tu seras béni. Amen. Last week. La semaine passée. I just have 15 minutes. J'ai juste 15 minutes. Last week we talked about how to overcome. La semaine passée, nous avons parlé de comment surmonter. The voice of the flesh. La voix de la chair. Hallelujah. Amen. Who was here? Qui était là? How to overcome the voice of the flesh. Comment surmonter la voix de la chair? Hallelujah. Amen. And just to say that. Et juste pour dire que. If you don't remember anything. Si tu ne te souviens de rien du tout. Just remember. Souviens-toi juste. One thing. Une chose. That you can do. Que tu peux faire to overcome the flesh, pour surmonter la chair, is to do what is hard difficult. C'est de faire ce qui est dur et difficile. Hallelujah. Amen. Amen. Amen. Will you remember that? Est-ce que tu vas te souvenir de remember? Ça? Tu vas te souvenir. When it's difficult, quand c'est difficile. When it's hard, quand c'est dur. It means that ça veut dire que you are overcoming. Tu es en train de surmonter the voice of the flesh. La voix de la chair. Is it good? C'est bon? Are you here? Amen. And we read in Romans 6. Et on a lu dans Romains 8, verset 6. For to be carnally minded is death, but to be spiritually minded is life and peace. L'affection de la chair, c'est la mort, mais l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Hallelujah. Amen. Amen. Amen. Are you here? Êtes-vous là? If you want to have peace in your life, si tu veux avoir la paix dans ton, dans ta vie, don't follow the flesh. Ne suis pas la chair. Don't follow what is telling you? Ne suis pas ce qu'elle te dit. What is telling you to sin? Ce qui te dit de pécher. Sin is easy to sin. C'est facile de pécher. Hallelujah. Amen. Is it easy to sin? Est-ce que c'est facile? It's very easy. C'est très facile. Oh? Ou bien? Very easy. Très facile. Easy to sin. Facile de easy pécher. Easy to commit a sin. Facile de faire easy un péché. Easy to lie. Facile de mentir. Hallelujah. Amen. Because you don't want to be shy. Parce you don't want to be ashamed. Parce que tu ne veux pas avoir honte. You lie. Tu mens. Oh? Ou bien. So it's easy to lie than to be ashamed. Donc c'est plus facile de mentir que d'avoir honte. Oh? Ou bien. When you say the truth. Quand tu dis la vérité. Oh? Have you seen the difference? Est-ce que vous avez vu la différence? It's easy to make a sin. C'est facile de commettre un but péché. But it's difficult to commit a sin. Mais c'est difficile de ne pas commettre un péché. Oh? Ou bien. You see, est-ce que vous voyez? As I think, donc, alors que tu fais la chose difficile, you will be overcoming the flesh. Tu vas surmonter la chair. And we tell you, when you follow the flesh, et je te dis, quand tu suis la chair, he said you will die. C'est, le verset dit que tu vas mourir. And you will not have life. Et tu n'auras pas la vie. And you will not have peace. Et tu n'auras pas la paix. Hallelujah. Amen. Yeah. If you are here and you committed a sin before coming to church. Si tu es ici et tu as péché avant de venir à l'église. You see that you are not free. Tu vois que tu n'es pas libre. You don't feel peace in your heart. Tu ne ressens pas la paix dans ton cœur. C'est comme si quelqu'un t'avait vu. Is it true or is not true? C'est vrai ou c'est faux? Yeah, you don't have peace in your heart. Tu n'as pas la paix dans ton cœur. Yeah, you don't have peace. Tu n'as pas la paix. As if the pastor knows. C'est comme si le pasteur savait. I don't know. Moi, je ne sais pas. Telling. Mais la parole de Dieu te le dit. Yeah, sometimes you come, it's like, oh, somebody has gone to tell the pastor about you. Parfois, c'est comme si quelqu'un allait parler de toi au pasteur. Oh, nobody has told me anything. Non, personne ne it's m'a rien dit. It's the word of God. C'est la parole de Dieu. Hallelujah. Amen. Êtes-vous là? If you don't commit a particular sin. Et tu vas voir que si tu ne commets pas un péché en particulier. Come to church. Et tu viens à l'église. At tu es à l'aise. You are okay. Tu es okay. Yeah. You don't feel bad. Tu te sens pas mal. Yeah. Hallelujah. Amen. So it's difficult not to sin. Donc c'est difficile de ne pas pécher. It's difficult not to your flesh. C'est difficile de ne pas suivre ta chair. Yeah, and that's what you need to be doing. Et c'est ce que tu dois faire. Hallelujah. Amen. And you see that you have victory. Et tu verras que tu auras la victoire. You have victory. La victoire. You'll be promoted. Tu seras promu. You'll be going forward. Tu vas avancer. You will grow. Tu vas grandir. Hallelujah. Amen. You will grow. Tu vas grandir. Tu vas grandir. You will grow. Tu vas grandir. You see that you are going from one class to another. Tu vois que tu vas quitter d'une classe à une autre. Oh? Ou bien? Yeah, it's like the exam. The exam is difficult. C'est comme les examens, c'est so difficile. If you pass it, donc si tu passes, you see that you are going forward. Tu vois que tu vas aller de l'avant. So it's the same thing with spiritual life. Donc c'est la même chose avec la vie spirituelle. Yeah. As you are doing the hard things, alors que tu fais la as chose you are difficile, doing the difficult things, alors que tu fais la chose compliquée, moving forward, tu vas voir que tu and avances you are growing, et tu grandis. And you will be blessed. Et tu seras béni. Hallelujah. Amen. Is it a idea? C'est une bonne idée. Do you understand the verse now? Est-ce que vous comprenez le verset maintenant? Yeah. Romans 8, verse 6. Romains 8, verset 6. Hallelujah. Amen. Tonight, just some few minutes. Ce soir, juste pour quelques minutes. Three important truths about the voice of the Holy Spirit. Trois vérités importantes au sujet de la voix du Saint-Esprit. Hallelujah. Amen. The voice of the Holy Spirit is the most important voice. La voix du Saint-Esprit est la voix la plus importante. That you need. Dont tu as besoin. Hallelujah. Amen. You don't need the voice of your flesh. Tu n'as pas besoin de la voix de ta chair. You don't need the voice of circumstances. Tu n'as pas besoin de la voix des circonstances. Hallelujah. Amen. Yeah, a lot of people travel abroad. Beaucoup de personnes voyagent à l'étranger. Yeah. Young girl, young boy. Jeune fille, jeune garçon. Or a lot of people travel from your country. Ou plusieurs personnes voyagent de ton pays au Ghana. Yeah. Then there's no money. Et là, il y a pas d'argent. So the boy and the girl. Donc les filles et les garçons. They decide that. Ils décident. Because of the circumstance. À cause de la circonstance. The small money that we have. Le peu d'argent que nous avons. And we love each other. Et nous nous aimons. And the small money we have. Et le peu d'argent que nous avons. Because of the circumstance. À cause des circonstances. We will not rent two houses. On ne va pas louer deux appartements. We'll rent one house. On va louer une maison. Because of the circumstances. À cause des circonstances. We'll stay together. On va habiter ensemble. But we are not married. Mais on n'est pas marié. Have you seen the voice of the circumstances? Est-ce que vous voyez la voix des circonstances? Yeah, the voice of the circumstances. La voix des circonstances. A lot of us, we follow the voice of the circumstances. Plusieurs d'entre nous, nous suivons la voix des circonstances. Yeah. Then you see that you will not be in the will of God. Et tu verras que tu ne seras pas dans la volonté de Dieu. Yeah. Hallelujah. Amen. We are looking at three important things. Donc ce soir nous voyons trois choses importantes. About the voice of the Holy Spirit. Concernant la voix du Saint-Esprit. Hallelujah. Amen. John chapter 16 verse 13. Jean 16 verset 13. John 16. Do you like the verse? Do you like memorizing the verses? Est-ce que c'est bon de mémoriser les versets? Yeah. It's good. C'est bon. You see that your spirit is growing. Tu verras que ton esprit grandit. Yeah, your spirit is growing. Ton esprit grandit. Your spirit is becoming strong. Ton esprit devient fort. Hallelujah. Amen. Yeah. John chapter 16 verse 13. Jean 16, 13. 16, 13. Okay. John 16, 13. Jean 16, 13. How be it? And he, the Holy, the Spirit of truth, is come. He shall guide you into all truth, for he shall not speak of himself, but whatsoever he shall hear, that shall he speak, and show you things to come. Quand le consolateur sera venu, l'esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu, et il vous annoncera les choses à venir. Hallelujah. Amen. Yeah, the Holy Spirit is there to show you things to come. Le Saint-Esprit est là pour te montrer les choses à venir. To tell you the first thing, the first truth. La première chose, la première vérité du Saint-Esprit. The Holy Spirit transmits the plan of God to you. Le Saint-Esprit te transmet le plan de Dieu. The verse says what? Parce que le verset dit quoi? He shall not speak of himself. Il ne parlera pas de lui-même. But whatsoever he shall hear. Mais ce qu'il aura entendu, that shall he speak, il le dira. And will show you things to et te montrera les choses à venir. Amen. And for you. Dieu a un plan pour toi. And it's through the Holy Spirit, et c'est à travers le Saint-Esprit you receive that plan. Que tu vas recevoir ce plan. Hallelujah. Amen. So that's one of the second truths. Donc la deuxième vérité, is that c'est the Holy Spirit may choose to speak to your spirit, to your soul, or to your body. Le Saint-Esprit peut choisir de parler à ton esprit, à ton âme ou à ton corps. Hallelujah. Amen. Are you here? Êtes-vous là? Yeah. The Spirit, the Holy Spirit speaks to your soul. Le Saint-Esprit parle à ton âme. Like a thought. C'est comme une pensée. Your soul, a thought is a part of your soul. Feel, you think, your ce que tu penses, ce que tu ressens, ta volonté, ça fait partie de ton âme. Hallelujah. Amen. So it speaks to your soul through your mind. Donc il parle à ton âme à travers ta pensée. Amen. And speak to your body. Et parle à ton corps. De beaux voix. Avec une voix audible. A voice. Tu entends une voix. Samuel. Est-ce que vous vous souvenez de Samuel? Samuel in the Bible. Samuel dans la Bible. When God called him. Quand Dieu l'a appelé. When God called him. Quand Dieu l'a appelé. Il est allé à Élie. To find out, are you calling me? You are calling me. Here I am. Pour demander, tu m'as appelé, me voici. He said, no, I've not. Il a dit non, je t'ai pas appelé. And he went to sleep. Et il allait dormir. And he heard the voice again. Il a écouté la voix encore. And he, il est encore allé à no, lui. Sleep. Et il lui a dit non, on va dormir. A third time. Et la troisième fois. He said no. Il a dit non, c'est Dieu qui te parle. Hallelujah. Amen. So you can hear a voice. Donc tu peux écouter une voix. And voice of God. La voix de speak Dieu. To your body. Parlant à ton corps. Here it's attached to your body. On parle du corps parce que ton oreille est attachée à ton corps. So you hear audible voice. Donc tu écoutes une voix audible. The voice of the Holy Spirit to your spirit, right? Yes. To your spirit. Maintenant la voix du Saint-Esprit à ton esprit. As you feel something inside. C'est que tu vas ressentir quelque chose à l'intérieur. In your heart. Dans ton cœur. It's not a voice. C'est pas une voix. But you will talk about it. You feel it. Mais tu le ressens. You perceive. Tu vas percevoir. C'est ce que la Bible dit. Hallelujah. Amen. To your spirit. So feel the thing in your heart. Donc tu vas ressentir la chose dans ton cœur. Hallelujah. Are you here? Yeah. And the third truth about the Holy Spirit. Et la troisième chose au sujet du Saint-Esprit. Which we'll talk about. Dont nous allons parler. Is the voice of the Holy Spirit to your spirit. C'est la voix du Saint-Esprit à ton esprit. Which is called the inner witness. Qui est appelé le inner witness. Le témoin. L'homme intérieur. The inner witness. Le témoin intérieur. Yeah. The inner witness. Le témoin intérieur. The inner witness. Le témoin intérieur. Hallelujah. Are you here? Êtes-vous là? Yeah. Galatians chapter 4 verse 6. Galates 4, 6. It looks like what I'm sharing is people can do not understand. Do you understand? Comme si vous ne comprenez pas ce que je dis. Do you understand? Est-ce que vous comprenez? I hope so. J'espère. I hope so. J'espère. Galatians chapter 4 verse 6. Galates 4, 6. Are you there? The inner witness. Le témoin intérieur. Let me tell you. The three ways by which the Holy Spirit speaks to us. Les trois voies par lesquelles le Saint-Esprit nous parle. The most common. La plus commune. Is the voice of the Holy Spirit to your heart. C'est la voix du Saint-Esprit à ton cœur. The inner witness. Le témoignage, le témoin intérieur. Hallelujah. Amen. Let's read Galatians chapter 4 verse 6. Lisons Galates 4, 6. It says, and because ye are sons, God has sent forth his spirit, the spirit of his son, into our hearts, crying, Abba, Father. Et parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son fils, lequel crie, Abba, Père. Hallelujah. Amen. Yeah, he sent a spirit in our hearts, crying, Abba, Father. Il a envoyé l'esprit dans nos cœurs qui crie, Abba, Père. The spirit is in your heart, crying, Abba, Father. L'esprit est dans ton cœur, criant, Abba, Père. It's crying. Ça crie. It's talking. Il parle. To your spirit. À ton esprit. Inside of you. À l'intérieur de toi. Abba, Father. Abba, Père. Who is it? Who is here? Ask a question. Je vous pose une question. Who is here now? Can say that God is your father. Qui ici peut dire que Dieu est son père? God is your father. Dieu est ton père. How do you know? Comment est-ce que tu sais? How do you know? Comment est-ce que tu sais? How do you know? Comment sais-tu? I just know. Je sais juste. I just see. Je perçois juste. I feel in my heart that God is my father. Je ressens dans mon cœur que Dieu est mon père. Is that true? C'est vrai? Is that true? C'est vrai? Yeah. Who is born again here? Qui est né de nouveau ici? How do you know? Comment est-ce que tu sais que tu es né de nouveau? How do you know that God has forgiven you? Comment est-ce que tu sais que Dieu t'a pardonné? You feel in your heart that God has forgiven me. Tu ressens dans ton cœur que Dieu t'a pardonné. That a word has been spoken. Qu'une parole a été dite. From the Bible. De la Bible. And I believe it. And et I je la crois. Et je. I'm saved. Et je ressens que je suis sauvé. How do you know you are going to heaven? Comment est-ce que tu sais que tu vas au ciel? Yeah, the Spirit is in your heart crying, Abba Father. L'Esprit est dans ton cœur criant Abba Père. A daughter of God. Que tu es une fille de Dieu. Son of God. Tu es un fils de Dieu. That you are saved. Que tu es sauvé. That you have a father in heaven. Que tu as un père dans les cieux. Yeah, that the voice of the Holy Spirit in your heart. Ça c'est la voix du Saint-Esprit dans ton cœur. Amen. Are you here? Are you here? Vous là? Do you understand? Est-ce que vous comprenez? Yeah. Acts chapter 27. Acte 27. Acts 27 verse 9. Acte 27, verset 9. OK. Acte 27, verset 9. Acte 27, verset 9. OK. Are you there? Vous y êtes? OK. Now, when much time was spent and when sailing was now dangerous, because the fast was now already past, Paul admonished them and said unto them, sirs, perceive that this voyage will be with hurts and much danger or much damage, not only of the lading or ship and ship, but also of our life. Nevertheless, the centurion believed the master and the owner of the ship more than those things which was spoken by Paul. Okay? Acte 27, verset 9. Un temps assez long s'était écoulé et la navigation devenait dangereuse car l'époque même du jeûne était déjà passée. C'est pourquoi Paul avait averti les autres en disant, ô homme, je vois que la navigation ne se fera pas sans péril et sans beaucoup de dommages, non seulement pour la cargaison et pour le navire, mais encore pour nos personnes. Le centenier écouta le pilote et le patron du navire plutôt que les paroles de Paul. Alléluia. Amen. Yeah, they arrested Paul. When you read the story. Quand vous lisez l'histoire, ils avaient arrêté Paul. And they were sending him to Rome. Et ils l'envoyaient à Rome. And they were on a ship. Et ils étaient sur le bateau. And when they started going. Et ils ont, quand ils ont commencé à partir. The weather was fine. La température était normale. So the owner of the ship. Donc, le propriétaire du bateau said, oh, this journey will be safe. Il a dit ce voyage sera en sécurité. Hallelujah. Amen. But what did Paul say? Mais qu'est-ce que Paul a dit? Paul said, I perceive. Je perçois. Yeah, the Holy Spirit was speaking to his heart. Le Saint-Esprit parlait à son cœur. That this journey que ce voyage will be dangerous. Sera dangereux. Yeah, but our life will be saved. Mais nos vies seront sauves. The ship will be destroyed. Le bateau sera détruit. But our life will be saved. Mais nos vies seront sauves. But the owner of the ship, oh, but the weather is good. Mais le propriétaire du bateau a dit, mais the weather temps was est good. Beau. So what are you talking about? Le temps est beau, donc de danger. Quoi parles-tu? De quel danger? But the Holy Spirit was telling Paul. Mais le Saint-Esprit disait He's à Paul. Feeling it inside. Il ressentait ça the Holy à l'intérieur. Spirit was crying. Le Saint-Esprit lui parlait. Yeah. You see, when I'm going to do certain things. Vous savez qu'on allait faire certaines choses. And you pray. Et tu pries. You will have it. Tu l'auras. You will feel that. Mm. Tu vas ressentir. The Holy Spirit will not give you peace. Le Saint-Esprit ne va pas te donner la paix. Yeah. Hallelujah. Amen. That's why I say, oh, go and pray about it. Voilà pourquoi on dit, non, va prier. Oh, you want to do this? Go and pray about it. Tu veux faire ceci? Va prier à ce sujet. Yeah. And when you pray, the Spirit gives you a quiet assurance. Et quand tu pries, le Saint-Esprit te donne une assurance paisible. A quiet assurance. Une douce assurance. Quiet assurance. Quiet. I don't know. Une assurance silencieuse. But quiet assurance. You feel it. Une douce assurance. Tu le sens. Yeah. You feel it inside. Tu le sens à l'intérieur. And you have a certain peace. Et tu as une certaine paix. Yeah. Even though everyone is saying that, oh, it's not good, it's not good, it's not good. Même si tout le monde dit c'est pas bien, c'est pas bien, c'est pas you bien. You feel inside that, oh, it's good. Mais tu sens à l'intérieur que c'est bon. Yeah, the Holy Spirit is talking to you. Le Saint-Esprit te parle. Ou it's not, it doesn't look good at all. Ou alors ça ne semble pas bon du tout. But when you prayed, mais quand tu pries, the Holy Spirit was putting, was not giving you peace. Le Saint-Esprit ne va pas te donner la paix. There's no peace. Tu vois, you feel that it's not good. Tu auras l'impression qu'il n'y a pas de paix et c'est pas bien. I don't know whether you understand what I'm saying. Je sais pas si vous comprenez. Hallelujah. Amen. Amen. Amen. So you have that assurance in your heart. Donc tu as cette assurance dans ton cœur. About this. À ce sujet. I'm going to marry. Je m'en vais me marier. I've seen this girl. J'ai vu cette fille. I prayed about it. J'ai prié. But I don't feel okay. Mais je ne me sens pas à l'aise. Something was telling me something. Quelque chose me disait quelque chose. I don't feel peace. Je ne sens pas la paix. Hallelujah. Amen. You understand what I'm saying? Vous comprenez? Wow. I hope you understand the message. J'espère que vous comprenez. I hope you understand the message. J'espère que vous comprenez le message. Hallelujah. Amen. Are you there? Are you there? Êtes-vous là? Yeah. But it's not so easy. Mais c'est pas si facile. Yeah, it's not easy to know that it's the Holy Spirit. C'est pas facile de savoir que c'est le Saint-Esprit. Because there are other voices. Parce qu'il y a d'autres voix. Yeah. There are other voices. Il y a d'autres voix. Yeah. So what you need to do to be able to know that is the Holy Spirit. Donc ce que vous devez faire pour savoir que c'est le Saint-Esprit. Is to eliminate all voices. C'est éliminer toutes les autres voix. Yeah, I've seen the girl. J'ai vu la fille. Is it my flesh? Est-ce que c'est ma chair? Is it because of my friends? Est-ce que c'est à cause de mes amis? Yeah. Is it because of the circumstances? Est-ce que c'est à cause des circonstances? Maybe they are from their rich family. Peut-être parce qu'ils sont d'une famille riche. You have to eliminate all that. Tu dois éliminer tout cela. Is it because my mother is saying that I should marry the person? Est-ce que c'est parce que ma mère dit que je dois épouser la personne? Do you understand? Est-ce que vous comprenez? Yeah. Is it because the pastor said it? Est-ce que c'est parce que le pasteur l'a dit? No. It should be. Non, ça doit être le Saint-Esprit. Yeah. So you have to eliminate all. Donc tu dois éliminer toutes les autres voix. The voice. La voix de tes the amis, voice of, the flesh, celle des circonstances, the celle voice de la chair, of friends, celle de tes amis, the voice of my father, my mother, la voix de mon the père, voice ma mère, of who else? La voix de qui d'autre? La voix, the voice of the devil. La voix du diable. Yeah, you have to eliminate all these voices. Tu dois éliminer toutes ces voix. Yeah, to be able to know that, oh, it's the Holy Spirit. Afin de savoir que ça, c'est le Saint-Esprit. Because a lot of us, parce que plusieurs when it comes to relationship, quand on en vient aux relations, because of our flesh, c'est à cause de notre chair. Yeah. Is it because of the lust of the eyes, of the lust of the flesh? C'est à cause de la convoitise des yeux et la convoitise de la chair. Yeah. She's beautiful. Elle est belle. Just Coca-Cola. Elle a la forme Coca-Cola. Yeah, that's what we see. C'est ce que nous voyons. Not the voice of the Holy Spirit. C'est pas la voix du Saint-Esprit. Yeah. Yeah. And the ladies. Et les filles. See, the guy is very. Tu vois que le gars est très. The voice is very. La voix est très. Very soft and. Très douce. And what we hear is ringing in our ears. Et quand on écoute, ça résonne dans nos oreilles. Like a lullaby. Comme un lullaby. You know, a lullaby. Look for it. Like music in our ears. Comme la musique dans nos oreilles. Yeah, and it's finished. Et c'est fini. We haven't prayed. On n'a même pas prié. Is it the Holy Spirit? Est-ce que c'est le Saint-Esprit? Hey. Yeah. Young. Boy, young girl. Jeune fille. Young boy, young girl. Jeune garçon. You need the Holy Spirit. Tu as besoin du Saint-Esprit. Yeah, you need the Holy Spirit. Tu as besoin du Saint-Esprit. You need the Holy Spirit. Tu as besoin du Saint-Esprit. A lot of things that we do is not the Holy Spirit. Plusieurs choses que nous faisons, c'est pas le Saint-Esprit. So when we start, we see that there are troubles. Donc quand nous commençons, nous voyons qu'il y a des problèmes. Il y a des problèmes. There are offenses. Il y a des offenses. There are hurts. Il y a des blessures. There are cries. Il y a des crises. cries, cries, cries, cries. Oh, il y a des pleurs. Yeah. You see that the Holy Spirit is not in it. Tu vas voir que le Saint-Esprit n'est pas à l'intérieur. It's your flesh and your eyes. C'est ta chair et tes yeux. It's your friends or circumstances. Ce sont tes amis ou les circonstances. Yeah. Pride of life. L'orgueil de la vie. Yeah. Pride of life. L'orgueil de la vie. Wow. Are you here? Êtes-vous là? Yeah. You are blessed. Vous êtes béni. Yeah. So, I think today we've done much. Je pense qu'on a fait beaucoup aujourd'hui. The inner voice is different from a thought. La voix intérieure est différente de la pensée. Yeah, the inner witness. What the Holy Spirit, it's not, it's different from a thought. Quand le Saint-Esprit te parle, c'est différent d'une pensée. C'est différent d'un raisonnement. It's different from analysis. C'est différent des analyses. Yeah, to be able to know that the Holy, you are not analyzed. You can't even explain. Quand c'est le Saint-Esprit, tu peux même pas expliquer. Sometimes you can't explain. Parfois, tu ne peux pas expliquer. What it is. Qu'est-ce ce que c'est? Tu ne peux pas expliquer. Yeah. Yeah. Most of us pastors. Et plusieurs d'entre nous, les pasteurs. Yeah, the other time somebody asked me, so how did I become a pastor? La dernière fois, quelqu'un m'a demandé, comment est-ce que je suis devenu un pasteur? Yeah. Most of us pastors is the inner witness. Plusieurs d'entre nous, les pasteurs. I've not heard the voice of God. Je n'ai pas écouté la voix de Dieu. I've not heard thunder. I've not seen lightning. Je n'ai pas vu des éclairs et du tonnerre. I've not seen anything. J'ai pas vu rien de semblable. I've not met the Holy Spirit on the way. J'ai pas rencontré le Saint-Esprit sur le chemin qui menait à Damas. Like Paul. Comme Paul. Paul met Jesus on the way. Paul a rencontré Jésus sur le chemin. He was blind. Et il était aveuglé. For 3 days. Pour 3 jours. Me, I've not been blind for 3 days. Moi, je n'ai pas été aveugle pendant 3 jours. Yeah. It's the inner witness. C'est le témoin intérieur. Every day. Just like now, I'm talking to you. I'm preaching to you. Juste la manière dont je vous parle. The Holy Spirit is talking to your heart about something. Le Saint-Esprit parle à ton cœur au sujet de quelque chose. Your heart. Il te dit you quelque hear chose. Word of God and you feel something in your heart. Tu écoutes la voix de Dieu et tu sens quelque chose dans ton cœur. Fais ça. Go here. Va là-bas. Stop this. Arrête the ça. Holy Spirit is talking to you. Le Saint-Esprit te parle. Yeah. Do you understand what I'm saying? Est-ce que vous comprenez? Every day we come to church and hear the word Holy Spirit talk to us. Tout, à chaque fois que nous venons à l'église et écoutons la parole, le Saint-Esprit nous parle. Le Saint-Esprit crie dans nos cœurs. Arrête ça. Don't go there again. Ne va plus là-bas. Don't go there again. Ne va plus là-bas. Don't do it again. Ne le fais plus. Don't do it again. Ne le fais plus. Is it true or is it not true? C'est vrai ou c'est faux? Yeah, and the voice of the Holy Spirit is repetitive. Et la voix du Saint-Esprit se répète. Yeah. Sin. Tu vas voir que quand tu vas pécher, you feel bad. Tu te sens mal. Yeah. It's crying. The Holy Spirit is crying that it's bad. Saint-Esprit crie que c'est mauvais. It's bad. It's bad. Stop it. It's bad. C'est mauvais. Arrête. C'est mauvais. Come again. It will come again. Et il vient encore. Il vient encore. Come again. And it's very dangerous when you ignore. Et c'est très dangereux quand tu ignores. Because at a point yeah, again. Parce qu'à un moment, tu ne vas plus écouter. It's dangerous because c'est très dangereux anything. Parce que tu ne vas plus rien ressentir. You think that is right. Tu as pensé que c'est correct. Yeah. Hallelujah. Mm-hmm. So don't be deaf to the voice of the Holy Spirit. Ne sois pas sourd à la voix du Saint-Esprit. Amen. Amen. Yeah, and the voice of the inner witness is not a physical feeling. Et le témoin intérieur, c'est pas une sensation physique. Yeah, you won't feel anything. At your toes, I feel my toes. Tu ne vas rien sentir sur tes doigts. C'est comme le Saint-Esprit me parle. It's not. Non, c'est pas ça. Hallelujah. Amen. It's an impression of peace. C'est une impression de paix. Impression. Une impression. Impression. Une impression. Of peace. De paix. Hallelujah. Amen. Amen. Are you here? Êtes-vous là? Yeah. It's a strong conviction. C'est une conviction forte. You are strongly convicted. Tu es fortement convaincu. Yeah. That's why many people lift up. I'm giving my life to Christ. Là, pourquoi les gens lèvent la main? Je donne ma vie à Christ. You're convicted. The Holy Spirit convicts you. Saint-Esprit te convainc. That you have to give your life to Christ. Que tu dois donner ta vie à that Christ. You need salvation. Et tu as besoin and du salut. Up your hands and et tu lèves ta main et tu viens. Yeah. Strong conviction. Une conviction forte. Are you here? Vous là? Are you here? Should I continue? Tu continues? Wow. Let's read this verse and let's go. Colossians chapter 3. Colossiens 3. Colossians chapter 3, verse 15. Colossiens 3, 15. Colossians 3:15. I hope you are blessed. J'espère que vous êtes béni. Yeah. Hallelujah. Amen. Colossians 3:15. And let the peace of God rule in your heart, to the which also you are called in one body, and be thankful. Colossiens 3:15. Et que la paix de Christ, à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps, règne dans vos cœurs. Et soyez reconnaissants. Hallelujah. Amen. Yeah, the Holy Spirit do what? Let peace of God rule in your heart. The peace of God. La paix de Dieu règne dans ton cœur. Yeah. Le Saint-Esprit est comme un arbitre. Comme un referee. Comme un arbitre. Yeah. Yeah. When you are doing the bad thing, he will cry, no, quand no, tu fais une no, mauvaise chose, no, il va crier no, non, no, non, no, non. Non. Non. Hallelujah. Amen. Are you here? Êtes-vous là? Êtes-vous là? Like, why when you are sinning, you feel bad. Vous voyez maintenant pourquoi quand vous péchez, vous vous sentez mal. You are trembling. Tu trembles. If you are not trembling, there's something wrong. Si tu ne trembles pas, c'est que quelque chose ne va pas. Yeah, something wrong. If you are going to sing and you are going to sin and you don't tremble, you si don't tu vas fear, pécher, you don't tu n'as pas anything peur, bad. Tu ne ressens rien de mauvais, there's something wrong. C'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Yeah, the Holy Spirit is not there. Saint-Esprit n'est pas là. And it's the referee. Et c'est l'arbitre. He's the one who directs us. C'est lui qui nous dirige. Quand tu vas là-bas, il va dire, non, non, non, passe ici. No, there's a hole there. Turn back. Non, il y a un trou là-bas, retourne. Yeah. The referee. L'arbitre. In our hearts. Dans nos cœurs. So rule in our hearts. Pour régner dans so nos cœurs. So when you feel peace. Donc quand tu sens la paix. See that is right. Tu vois que c'est when correct. You don't feel peace. Quand tu ne sens pas la paix. There's something wrong. Quelque chose qui ne va pas. You think. Pense à ton expérience. Think about some of the decisions you've taken. Pense à certaines des décisions que tu as prises. Which didn't work. Qui n'ont pas marché. Did you have peace in your heart? Avais-tu la paix dans ton cœur? If you have to be honest with the Holy Spirit, you have to be honest. Avec le Saint-Esprit, tu dois être honnête. If you are not honest, you will not hear it. Si tu n'es pas honnête, tu ne vas pas l'écouter. Yeah, you have to be honest to know that this thing. Tu dois être honnête pour I savoir feel bad que cette about chose, it. Je me sens mal à ce sujet. Yeah, the Holy Spirit is speaking to your heart. Le Saint-Esprit parle à ton cœur. Hallelujah. Amen. Do you understand? Est-ce que vous comprenez? Do you understand? Est-ce que vous comprenez? Will you depend on the Holy Spirit? Allez-vous dépendre du Saint-Esprit? Will you pray for the Holy Spirit? Allez-vous prier pour le Saint-Esprit? Let's stand up and pray for the Holy Spirit. Lèvons-nous et prions pour le Saint-Esprit. The inner witness. Le témoin intérieur. The inner witness. Le témoin intérieur. You want to depend on the inner witness. Tu veux dépendre du témoin you intérieur. You want to feel the Holy Spirit crying, Abba Father, in your heart. Tu veux écouter le Saint-Esprit criant Abba Père dans ton cœur. You want to have that strong conviction. Tu veux avoir cette conviction forte. In the name of Jesus. Au nom de Jésus. Begin to pray. Commence à prier. If you pray, if you can pray in tongues, pray in tongues. Si tu veux prier en langue. Pray in tongues. Prie en langue. If you cannot pray, pray in your understanding. Tu ne peux pas prier en langue, prie dans ta compréhension. Pray in your understanding. Prie dans ta compréhension. And ask for the Holy Spirit. Et demande le Saint-Esprit. Ask for the Holy Spirit. Demande le Saint-Esprit. In the name of Jesus. Au nom de Jésus. Oh, l'embrosse, les bas, calamambro, c'est les bébés, les bébés. Yke, les mambras, c'est les bas, calachambro, c'est les bas. Oh, Holy Spirit, we need you for direction. We need you to lead us. We need you to help us in the name of Jesus. We need to feel that strong conviction, that strong impression, that crying in our heart that says, Abba Father, that give us an assurance, that give us peace in our heart. Oh, le bros, akalama bros, selebebebebebe. Ikelema bras, telebaba, kele shambro, selebaba. Ante le bros, selebe, kele bros, seleba, la baba. Oh, Holy Spirit, bros, selebebebebebe. Ask for the Holy Spirit, ask for the Holy Spirit. Ask for the Holy Spirit. Ask for the Holy Spirit. Ask for the Holy Spirit. Demande le Saint-Esprit. Oh, ask for the Holy Spirit. Demande le Saint-Esprit. The Bible says that when you ask the Holy Spirit, the Father will give you. Bible dit que quand tu demandes le Saint-Esprit, le Père va te donner le Saint-Esprit. And the Holy Spirit will dwell in your heart. Le Saint-Esprit va demeurer dans ton cœur. And he'll be crying. Et il va crier. He will be crying. Et il va crier. He will be crying. Et il va crier. And he will give you peace. Il va te donner la paix. When you're on the right path. Quand tu es sur le bon chemin. When you don't have peace. Et tu n'auras pas la paix. When you're not on the right path. Quand tu n'es pas sur le bon when chemin. When it's not good. C'est pas bon. You will not have peace. Tu n'auras pas la paix. Bro, c'est les bas, calamam, bro, c'est les bébés, les bébés. Ikele ma bro, c'est les mamas, la mama. Oh, if you pray in tongues, pray in tongues. Si tu pries en langue, prie en langue. Pray in tongues. Leba, karama bro, sele bebe. Ikele bro, sele ba, karama bro, sele ba, mala mama. Antele bro, sele be, kele bro, sele be, kele bro. Ale bro, sele ba ba, kala shambro, sele ba, mala mama. Ikele bro, sele be, kele bebe, le bebe. Ale bro, sele ba, mala mama, mala mama. Ikele ba, mala mama, kama mala mama, kama mala mama. Ale ma bro, sele ba ba, kama mala mama, kama mala mama. Oh, Holy Spirit, bro, sele baba la baba la baba. Ele bro, sele baba la baba. Feel our heart, bro, sele baba la baba. Feel our heart, bro, sele bebe. Oh, cry in our heart, we want to hear. Oh, we want to feel that impression in our heart. In the name of Jesus, bro, sele baba la baba. Ele bebe le bebe, ke bebe le bebe. Ele baba la baba. Ekele ma bro sele baba kala shambro sele baba la baba. Ekele ma bra la baba kala ma bro sele baba la baba. Ekele ma bra la baba kaba bra la baba kaba bra la baba. Ekele ma bra la baba kaba bra la baba kaba bra la baba. Ele ma bro sele baba kaba bra la baba kaba bra la baba. Ekele ma bra la baba kaba bra la baba kaba bra la baba. Ekele ma bro sele baba kaba bra la baba kaba bra la baba. Atele ma bro sele bebe ke bebe le bebe. Ekele bebe le bebe ke bebe le bebe. Ekele ma bro sele baba la baba kaba bra la baba. Ekele ma bra la baba kaba bra la baba. Atele bro sele ba ke le bro sele bebe le bebe. Ekele bro sele bebe ke le bro sele bebe le bebe. Ekele ma bro sele baba kaba bra la baba. Atele bro sele bebe le bebe le bebe. Oh le bro sele baba la baba. Oh, fill the heart of your people in the name of Jesus, bro sele baba. Fill our heart in the name of Jesus. Fill our heart, oh le bro sele baba la baba. Ale ma bro sele bebe le bebe. Saint-Esprit parmi nous, il est parmi nous, il est parmi nous, il est parmi nous. Oh, le Saint-Esprit est parmi nous. Il est là, le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est parmi nous. Oh, il est parmi nous. Il est là. Il est parmi nous. Lève les mains. Dans ton cœur, dans ta vie, oh. Le Saint-Esprit est parmi nous. Oh, il est parmi nous. Il est parmi nous. Il est parmi nous. L'agneau de Dieu est parmi nous. Il est parmi nous. C'est le bébé que les chambres télémabra la mama. A télébro, c'est le bébé, le bébé. Et que les mamras télémabra la mama. A télébro, c'est le bébé, le bébé. Et que les mamras télémabra la mama. Parmi nous. Elle est parmi nous. Oh, elle est parmi nous. Ferme les yeux, prie. Demande au Saint-Esprit de te remplir le cœur, la vie. Ce soir, que le Saint-Esprit nous remplisse. Oh, limbro selima kalamambro selima kalamambro. Antele selibebe kele chambras telimama. Alebro selibebe kele mambras telimama la mama. Prie que le Saint-Esprit remplisse ta vie, ton cœur, ton cœur, ton cœur, bro selimama. Et les bro selibe kele bro. Oh, les bro selima kele bro selima kalamambro. Oh, qui sera le témoin dans ton cœur concernant la volonté de Dieu, concernant la parole de Dieu, concernant les projets de ta vie. Il sera le témoin dans ton cœur qui va dire oui ou bien qui va dire non. Oh, les bros, c'est les bas. Prie que le Saint-Esprit remplit ton cœur. Allez, bros, c'est les bébés, que les chambres. Allez, bros, c'est les bébés, que les mamas. Oh, dis Saint-Esprit, remplisse mon cœur, remplis mon cœur. Oh, les bros, c'est les bébés. Sois l'arbitre, sois le témoin dans mon cœur. Qui dit oui, qui témoigne oui, qui crie oui, oui, c'est bon, ou bien qui dit non, c'est pas bon, c'est pas bon, c'est pas bon, lorsque tu lui demandes, c'est pas bon, tu vas crier dans ton cœur et tu vas savoir que non, c'est pas la volonté de Dieu, c'est pas Dieu, crie les bros, c'est les babas, que les chambos, que le Saint-Esprit te remplit ce soir, oh, maintenant tu ne seras pas confus, le Saint-Esprit sera là pour te parler. Au nom de Jésus, oh, certains d'entre vous, vous allez avoir la voix parce qu'il peut appeler, il peut parler par la voix, il peut vous parler et vous allez entendre la voix. Oh, les bros, c'est les bas, que les bros, c'est les bas, que les mambros, ante les bros, c'est les bas, que les mambros, c'est les babas, et les mambros, c'est les bébés. Oh, il est là, le Saint-Esprit est là pour nous aider, pour nous aider, pour nous transmettre le plan pour nos futurs, le plan de Dieu. Il est là pour transmettre, il est là pour nous guider, il est là pour nous rappeler, il est là pour nous dire ce qui va se passer dans un an, dans deux ans, dans nos vies. Il est là pour nous dire ce qui va se passer demain. Oh, il est là, il est là, il est là. Il va te donner la paix, ou bien il va lever la paix, il ne va pas te donner la paix concernant ce projet, concernant cet aspect de ta vie. Oh, les bros, c'est les mamans, que les chambos. Ante les bros, c'est les bébés, que bébé, les bébés. Oh, crie au Saint-Esprit ce soir. Oh, les bros, c'est les mamans. Oh, les bros, c'est les mamans. Oh, les bros, c'est les mamans. Sa responsabilité de t'aider, c'est de t'aider. T'aider, c'est de s'aider à ne pas perdre, à ne pas faire une erreur. C'est de t'aider à prendre de bonnes décisions. C'est de t'aider à être sur la bonne voie. C'est de t'aider. Il est là pour ton aide. Il est là pour t'aider, pour t'assister. Oh, les bros, c'est les vacs, la mambro. Oh, les bros, c'est les bébés, que les chambos. Oh, Saint-Esprit, viens nous aider. Oh, les bros, les bras, remplis nos cœurs. Remplis nos cœurs. Remplis nos cœurs. Allez, bros, c'est les mamas. Yike les mambros, c'est les bébés. Ante les bros. Ante les bros, c'est les bébés. Il est bros, c'est les mamas. Que les chambos. Oh, qu'il soit le témoin dans ton cœur. Oh, qui témoigne que c'est bon. Qui témoigne que Dieu est ton père. Qui témoigne que tu as sauvé. Qui te donne cette assurance que tu as sauvé. Qui te donne cette assurance que tu as protégé. Qui te donne cette assurance que tu vas réussir. Qui te donne cette assurance dans ton cœur. Qui pleut, qui crie dans ton cœur. Abba Father. Qui crie dans ton cœur que tu ne vas pas échouer. Qui crie dans ton cœur que tu es la fille préférée de Dieu. Qui crie dans ton cœur que tu as protégé. Qui crie dans ton cœur. Oh, que tu as béni. Qui crie dans ton cœur. Que tu vas réussir, tu ne vas pas échouer. Qui crie dans ton cœur, qui te donne cette assurance, cette assurance, cette assurance, cette assurance. À partir d'aujourd'hui, qui te donne cette assurance dans ton cœur, au nom de Jésus. Ah, Seigneur, merci pour ton esprit, ton esprit saint. Ah, les bros, c'est les mamas, que les chambos. Ante les bros, c'est les bébés. Oh, il est parmi nous. Il est parmi nous. Il est parmi nous. Oh. ici, à partir d'aujourd'hui, ne seront plus confus, ne seront plus perdus, seront sûrs, parce que le Saint-Esprit est dans nos cœurs, qui est le témoin, qui est l'arbitre. Et nous serons honnêtes avec le Saint-Esprit. Nous serons honnêtes. Seigneur, merci. Merci au nom de Jésus. Et tout le monde dise Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alléluia. Avant de s'asseoir, donc, je vais prier pour toi. Fermez les yeux, tout le monde. Tu es là et tu n'as pas le salut. Tu n'as pas pris une décision de donner ta vie à Dieu. Ce soir, je te donne l'opportunité, je vais prier pour toi, pour recevoir le salut. La Bible dit, à moins que tu ne nais de nouveau, tu ne verras pas le royaume des cieux. Et ce soir, tu veux dire, non, je ne veux pas aller dans l'enfer. Le Seigneur a envoyé Jésus pour nous sauver. Il a versé le sang pour nous racheter. Il a déjà payé le prix. C'est à nous de le croire et de le recevoir. Et ce soir, tu veux dire, Seigneur, j'ai besoin de toi. Je veux te recevoir. Si tu es là, est-ce que tu peux lever la main? Avant de partir, tu veux dire, Seigneur, je ne veux pas rentrer à la maison sans recevoir le salut. Lève la main, on va prier avant de partir. Lève la main. Tu vas sentir que le Saint-Esprit crie dans ton cœur. Et tu sens une conviction forte que tu dois donner ta vie à Dieu. Lève la main, donne ta vie. Mon frère, merci. Merci. Qui aussi? Qui d'autre veut donner ta vie à Dieu ce soir? Tu veux donner ta vie à Dieu ce soir? Lève la main. Seigneur, merci. Merci, mon frère. Est-ce que tu peux venir devant? On va prier. Alléluia. Alléluia. Alléluia. Alléluia. Nous voulons prier. Alléluia. C'est une prière très, très importante ce soir, mon frère. Et je veux que tu répètes après moi. Dis, Seigneur, je te remercie pour ce soir. Merci pour ta parole. Merci pour ton esprit. Merci pour Jésus que tu as envoyé. Seigneur, ce soir, je crois qu'il est mon sauveur. Je crois qu'il m'a tant aimé. Il a versé son sang pour moi. Et je le confesse ce soir qu'il est mon sauveur. Seigneur, merci. Je demande pardon pour mes péchés. Seigneur, pardonne-moi. Seigneur, lave-moi de tous mes péchés. Seigneur, je veux être une nouvelle créature. Fais de moi une nouvelle créature. Au nom de Jésus. Seigneur, merci. Écris mon nom dans le livre de vie. Seigneur, ce soir, je décide de te suivre. Je décide de te servir. Je décide de te donner toute ma vie. Seigneur, aide-moi. Donne-moi cette grâce de pouvoir te servir. Seigneur, merci. Au nom de Jésus. Seigneur, je prie pour le Saint-Esprit. Remplis mon cœur par ton esprit. Au nom de Jésus. Seigneur, merci. Amen. Alléluia, est-ce qu'on peut attendre? Félicitations. Amen.